Gregorio Banchi par Charles Lassailly. La ville du Mans possédait depuis une ou deux semaines un jeune étranger qui vivait d'une façon brillante et dont personne ne connaissait ni la profession ni la famille. Dès les premiers jours de son arrivée, l'inconnu avait loué un appartement complet sur la belle place des Halles, espèce de cour carrée qui sert de centre aux quelques rues de la cité. Chaque matin, au scandale, à l'heure même où d'honnêtes citadins, commerçants, notaires, avoués, huissiers, négociants, s'occupaient activement de leurs affaires, on le voyait, lui seul, se prélasser paresseusement sur son balcon, un cigare à la bouche et un robe de chambre à ramages avec des glands d'or. Comme on soupçonna d'abord à ses moustaches fort noires et fort épaisses que c'était quelque militaire, on lui pardonnait assez volontiers d'employer toutes ses journées à comparer les nuages de ses bouffées de tabac avec les nuages du ciel. Mais cependant, on avait fini peu à peu par être généralement d'avis que le jeune inconnu devait horriblement s'ennuyer d'une si monotone occupation. Comment se faisait-il qu'il ne daignât presque jamais regarder les passants, même les femmes? Si décidément ce n'était pas un militaire, qu'était-ce donc, bon Dieu? Toute la ville ressemblait à la belette de La Fontaine. On se tenait aux aguets, on trottait de l'un chez l'autre, pour surprendre quelque indice, un rien. On s'éclaboussait réciproquement de questions inquiètes. Cela devenait un grand deuil pour la ville du Mans. Sur ces entrefaites, soit caprice, soit raison, l'étranger ferma tout à coup ses fenêtres maudites. On ne le vit plus reparaître au dehors de sa chambre, et c'était à peine si pour témoigner qu'il existait encore, son ombre avait la complaisance de se dessiner en silhouette mobile derrière la glace des rideaux. Était-il malade? Son hôtesse, interrogée par le perruquier coiffeur le plus à la mode dans les maisons de l'aristocratie de l'endroit, affirmait que non. Elle avait ajouté qu'il passait d'étranges journées et d'étranges nuits, les journées à dormir dans son lit jusqu'à 7 heures du soir, sans qu'il fût permis de le déranger de ses assoupissements avant cet invariable moment de son dîner, les nuits à se promener à grands pas dans son appartement, à descendre quelquefois par un beau temps sur la place déserte vers minuit, et plus tard, jusqu'à l'aube, à boire du thé au rhum et du vin d'Alicante, en s'enveloppant toujours d'une épaisse atmosphère de tabagie. Cela, Dieu merci, ne sentait pas le conspirateur. Comme il allait être donné un grand bal par souscription, au profit de je ne sais quelle victime, on crut ne pouvoir se dispenser de lui adresser un billet, dont le prix était de 10 francs. Messieurs les commissaires se présentèrent à l'hôtel de la Boule d'Or. L'hôtesse les conduisit jusqu'à l'appartement de M. Gregorio Banchi. Gregorio voulut bien les recevoir. Il fut aimable, il prit 6 billets, qu'il paya négligemment en or, et messieurs les commissaires se retirèrent pour aller faire son éloge de maison en maison. Le jour du bal. Dès que Gregorio Banchi parut dans la salle, tous les regards se tournèrent vers lui. Les cavaliers se rangeaient sur son passage, les jeunes filles oubliaient les figures des contredanses, les mères agitaient coquettement leur éventail. On le trouva fort intéressant. On espéra qu'il danserait, mais il ne dansa pas. Il refusa même de s'asseoir à aucune table de cartes, et pour comble de bizarrerie, il s'évada avant le souper dont il avait payé sa part. Comme il avait porté une toilette très élégante, et comme il avait témoigné par la distinction de ses manières qu'il était homme de bonne compagnie, les femmes, sensibles aussi à certains magnétismes de ses regards, ne souffrirent pas le lendemain qu'on maltraitât l'inconnu. Quelques-unes, les plus vieilles, le prirent sous leur protection. Déjà les moins faciles dans l'étiquette ne voyaient plus d'obstacle à l'admettre dans l'intimité de cette vie de famille qui fait le bonheur des gens de province. Quel progrès! On aurait pu le voir prétendre à la main d'une demoiselle de naissance et de fortune, que la haute société du Mans n'eût plus trouvé à redire, tant les sentiments étaient changés à son égard. Madame Veuve de Fermont, l'une des dames les plus importantes de la ville, en raison des soirées charmantes qu'elle donnait, s'éprit plus qu'une autre de sympathie mystérieuse pour l'étranger Gregorio. N'allez pas croire qu'elle éprouva le moindre amour. C'était une femme presque vieille, qui avait pu être coquette autrefois, mais qui ne songeait plus à rien de pareil. Sa conduite n'avait jamais été légère, seulement elle avait toujours donné le ton des plaisirs. On aimait ses fêtes, on en recherchait les invitations. Ce qui dédommageait d'ailleurs Madame de Fermont de passer les nuits à présider ses réunions, au lieu de lire les romans nouveaux qu'elle goûtait tant, c'était de voir que sa fille, Mademoiselle Sarah, était presque toujours, par sa grâce et sa beauté seule, la reine de ses aimables solennités. Sarah de Fermont était une personne de la plus touchante ingénuité. toutes les candeurs semblaient l'embellir. Ses prunelles noires avaient un rayon pénétrant, mais de longs cils de soie servaient à les envelopper. Quand elle marchait dans les rues, elle tenait ses yeux baissés de la façon la plus modeste, et ses mains, allongées sur ses deux bras, lui donnaient cet air de calme et de dignité qui la faisait, disait-on, ressembler à la statue de la pudeur. Le dimanche matin, d'ordinaire, elle traversait la place des Halles pour se rendre à la messe avec une servante qui l'accompagnait. Grégorio l'avait remarqué plusieurs fois. Souvent, il guettait son retour, et jamais on ne l'eût surpris alors sur son balcon avec un de ses maudits cigares à la bouche. Quelques grands observateurs en avaient tiré déjà des inductions insignifiantes. Mais le lendemain du bal de souscription, l'inconnu fit plus. Miracle, il sortit en fin de jour, et ce fut sans doute Mademoiselle de Fermont qu'il suivit à l'église, car à peine y fut-elle entrée qu'il y entra lui-même, avec la réserve cependant d'aller se passer fort loin d'elle, quoique dans une direction favorable pour ses regards distraits. L'innocente Sarah, au contraire, priait avec une ferveur tout angélique. Un jour vint le tour de Mademoiselle de Fermont d'être l'ange de charité pour les pauvres de la paroisse. C'était la fête de Pâques. Le printemps faisait épanouir sur tous les visages le sentiment d'une nouvelle vie. Le front de Sarah s'était éclairé de je ne sais quelle flamme de pourpre, comme une cime de neige se colore au soleil naissant. Toute sa physionomie avait une expression émue. Ses paupières étaient pleines de regards séraphiques. Ses lèvres, si chastes, étaient tendres. Elle était vêtue de blanc, et sa jeunesse, qui était un printemps aussi, en paraissait plus jeune. Grégorio la vit avec ravissement. Quand elle lui tendit la bourse de velours au gland d'or, il y laissa galamment tomber son offrande. Elle s'inclina. Grégorio ne put détacher sa vue de cette angélique personne. On en fit la remarque, et les dévotes chuchotèrent aux sorties de l'église que décidément l'étranger était amoureux d'une des plus riches héritières du Mans. Grégorio pouvait nouer avec les jeunes gens de la ville des liaisons qui sans doute eussent fini par le faire introduire chez les deux Fermont. Il y pensa. On le rencontra d'abord dans les promenades publiques et au spectacle. L'hôtel de la préfecture l'admit ensuite à ses réunions intimes. Mais il existe un démon malin qui se rit des amoureux. Ce pauvre Grégorio, d'ordinaire si sûr de lui-même, ne commettait que des gaucheries auprès de Madame de Fermont. À force de vouloir cacher ses intentions secrètes, il les dissimula si bien qu'il fit moins la cour à Sarah qu'à toute autre femme. On revint donc des suppositions qu'on avait accueillies sur son compte. Madame de Fermont se piqua de cette indifférence qu'elle prit pour du dédain. Quant à Sarah, personne ne lisait ce qui était écrit dans son âme. Sur ces entrefaites, la mère et la fille partirent pour une charmante maison de campagne qu'elle possédait aux environs de la ville et où ils avaient coutume de passer l'été. Grégorio Banchi fit de ce lieu le but de ses excursions champêtres. Mais, pour détourner encore les soupçons, il afficha tout à coup un zèle excessif pour la botanique, et grâce à lui, les plaisirs bucoliques devinrent à la mode parmi la jeunesse du Mans. Grégorio, lui, eut donné toutes ses mélites et toutes ses ornithogales pour dire un seul mot d'amour à l'innocente Sarah. Mais il n'avait jamais rencontré d'occasion favorable. Sarah semblait le fuir. Elle restait enfermée à sa tour dans la solitude de sa villa. Il avait beau passer et repasser sans cesse sur la route qui longeait une terrasse de tilleul où il avait aperçu, une première fois, vaine tentative. Elle ne reparaissait plus, il était désespéré. Pour comble de contrariété, il apprit que la fortune de Mademoiselle de Fermont avait... touché vivement le cœur d'un jeune homme du pays. Déjà le marché était en train et l'adorateur prétendait à épouser le plus tôt possible la dot, objet de sa convoitise. Ce monsieur, si tendre aux écus, était une espèce de brute qui avait une famille fort considérée dans l'endroit. Avec cela, ses propres vertus l'avaient mis encore en honneur à 10 lieues à la ronde. Jamais il n'avait quitté le toit domestique. On ne lui connaissait point de passion de jeunesse. Il fréquentait scrupuleusement ses oncles et ses tantes, dont il pouvait hériter. Il disait du mal des libéraux. Il buvait à la santé du roi Carlos. Il se levait tôt et se couchait avec le soleil. Il n'allait jamais au café. Il portait un habit pendant 2 ans et le faisait retourner. Il affirmait que les livres ne sont bons que pour les paresseux. Il employait sa vie à visiter ses propriétés, à espionner ses fermiers. Il était en un mot l'intendant de ses biens. Il avait juré qu'il ne voulait rien devenir autre chose, pas même député, Il se nommait Arthur Grandvilain. Vous savez ces fêtes de la campagne qu'on appelle des assemblées. Saint-Louis était le patron du village où demeurait Madame de Fermont, et chez elle, de temps immémorial, on fêtait le 24 août par un galet de cérémonie. Déjà les invitations couraient le Mans, sans que Grégorio Banqui en eût reçu une, malgré les promesses que lui avaient faites quelques-uns de ses amis. Mais ils avaient échoué dans leur entreprise, pour avoir attaché à cette demande trop ou trop peu d'importance. La mère, qui s'était offensée d'abord des faux dédains de ce jeune homme, commençait enfin à comprendre quelles prétentions il pouvait élever sur le cœur de sa fille, et malheureusement ce rival, qu'on eût préféré peut-être, s'était déclaré trop tard. Le mariage de Sarah avec M. Grandvilain paraissait arrangement tout à fait décidé. Cependant, Grégorio résolut en lui-même de ne pas renoncer à l'amour enivrant qui était renfermé dans ce beau vase d'élection. Il était patient, quoique impétueux. J'ai oublié de vous signaler son origine corse. Les diverses réjouissances de la fête attirèrent la foule des environs. Les danses commencèrent. Elle apparut enfin, celle qui était pour Grégorio la rose de son choix dans ses guirlandes éparses de valses et de quadrilles. Il fut émerveillé. Jamais elle ne lui avait plu davantage. Une mise négligée la rendait adorable. Une robe de gaze, voilà tout. Sa tête était découverte et ses cheveux, luisants comme le plumage des corbeaux, se séparaient sur son front en deux bandeaux qui lui donnaient un air de souveraine. Mais ses dignités, sa seconde nature, n'empêchaient pas qu'elle fût aussi légère, aussi souple qu'une jeune biche. On le prise pour Diane Chasseresse. Par malheur, elle se mit à danser avec M. Arthur Grandvilain. Toutefois, elle riait du coin de la bouche. Grégorio supposa qu'elle détestait cordialement son fiancé. Grégorio Banqui s'approcha de Madame de Fermont et trouva le moyen de la complimenter plutôt sur la jeunesse que sur la beauté de sa fille. Il vit ses flatteries agréées par un sourire bienveillant. Toute la société s'empressa même d'être aimable, et ce fut un succès complet pour lui. Néanmoins, on lui reprocha bientôt d'affecter une philosophie qui méprisait les plaisirs vulgaires et les bals des champs. Rien ne convenait mieux à son but secret. Mais l'adresse consistait de sa part à se défendre assez sérieusement pour qu'on insistât. Il se défendit avec les ruses exquises de la galanterie jusqu'à la réussite parfaite de ce petit manège. Aussitôt qu'il le put, sa réponse fut de se tourner vers Mademoiselle Sarah et de lui demander sa main. Elle le suivit en rougissant. Sans trop y réfléchir, la mère épia de loin les moindres mouvements de leurs lèvres. Ce n'est pas un crime que de causer avec sa danseuse. Grégorio voulut profiter du courant qui le portait sur des flots faciles, mais il savait trop savamment les choses du cœur féminin pour accoutumer, par des propos indifférents, les oreilles de cette jeune fille adorée, au son de sa voix, au langage de son amour. Sa conversation ne se jeta pas, comme une abeille étourdie, sur tous les sujets possibles. Elle ne s'arrêta qu'aux fleurs qui avaient le plus de sucre et de parfum. Grégorio disait d'ailleurs ce qu'il avait à dire, sans y mettre de mystère et avec infiniment d'aisance. Ses yeux se gardaient bien de montrer trop d'expression. Il faut qu'un homme protège toujours de son sang-froid la femme qu'il étourdit de ses plus vifs hommages. Aussi Sarah se livrait-elle avec confiance à cette séduction inaperçue. Elle était heureuse au fond de son âme d'un sentiment qu'elle ne comprenait pas encore. Elle se prenait au miel de ses doux propos qui étaient parlés si naturellement. Quand la contredanse cessa, elle eut un serrement de cœur. Le Corse Grégorio le devina à sa pâleur subite. Le beau monde jugea qu'il était temps de se retirer. Madame de Fermont donna le signe en acceptant involontairement le bras empressé de son gendre. Sarah, de son côté, n'eût pu refuser celui de Grégorio. Elle fut aise, au contraire, de hasard qui les rapprochait encore. Nulle inquiétude, d'ailleurs, ne s'éveillait en elle. Tous les deux, ils marchaient en tête de la société. Grégorio surtout prenait soin de ralentir le pas quand ils avaient trop d'avance. Leur causerie se faisait à haute voix. Et cependant, peu à peu, elle devenait tendre à propos des moindres observations sur les clartés mélancoliques de la lune, sur les senteurs de l'herbe, sur le silence profond de la campagne, et enfin sur le prochain mariage de Sarah avec l'heureux Arthur Grandvilain. Grégorio soupirait en vantant la liberté de cette vie de garçon qu'il n'eût sacrifiée qu'à une femme tout à fait aimée. Et la jeune fille se disait intérieurement quelle était cette femme, et que Grégorio n'hésiterait pas à lui sacrifier tout ce qu'il avait de plus cher, sa liberté. Puis, elle se laissait entraîner elle-même à des réflexions, à des craintes, à des regrets sur l'acte si important pour lequel elle avait à rendre réponse le lendemain matin. Elle eut de vagues pressentiments d'une destinée fatale. Elle se prit à pleurer. Le Corse frissonna. Il arrêta sur cette belle et naïve enfant un regard indéfinissable. La pitié l'emporta. Il ne voulait pas être le vautour de cette colombe. Grigorio allait lui dire « Je vous aime », mais sans doute d'étranges pensées se rendirent maîtresses de son âme. Il se frappa la poitrine. « Je vous en supplie, ne m'aimez pas », s'écria-t-il douloureusement. Mademoiselle de Fermont fut interdite. « Que voulez-vous dire ? » fit-elle à voix basse. « Oubliez-le, mademoiselle, oubliez-moi. » Et ils gardèrent longtemps un silence de tristesse et d'effroi. Grigorio le rompit enfin. « Comment se fait-il que j'ai osé jeter en dehors de mon cœur ce cri involontaire qui vous défendait de m'aimer ? N'étais-je pas fou ? Vous défendre à vous, belle, noble et riche, de m'aimer, moi, l'étranger, moi, l'inconnu, moi, le... Ah, continuez, dit-elle, tout inquiète. Non, non, hélas, pourquoi vous révéler l'énigme de ma destinée ? Ange d'innocence, vous ne connaissez rien des misères de la société, des épreuves de la vie. Et je vous tiendrai un langage que vous n'avez jamais entendu, et dont, quelquefois, vous chercheriez en vain le sens. Laissez-moi me taire. Je suis curieuse, reprit-elle avec une certaine coquetterie de tendresse. « Oh, Sarah ! Il veille une fatalité sombre autour de tous les hommes, surtout s'ils sont sérieux et passionnés. N'entrez pas dans leur cercle, enfant que vous êtes. Défiez-vous de mon amour et pardonnez-moi ce que j'avais cru, ce que j'ai dit. » Nouveau silence. Sarah, muette et tremblante, se serrait timidement contre son compagnon de marche. Il fut touché de tant d'abandon et il la contemplait avec délices. Bientôt, elle trouva le courage de lui dire « Vous êtes donc malheureux ?»« Oui. Et d'abord, je suis sans fortune. » Mademoiselle de Fermont leva les yeux d'un air incrédule et comme si cette nouvelle l'intéressait fort peu d'ailleurs. « Parlez-moi de vos malheurs. »« Je vous avouais que j'étais sans fortune. N'est-ce pas là vous parler de mes malheurs ? Comment voulez-vous que nous nous aimions ? Vous ne serez jamais ma femme et vous ne voudriez pas devenir ma... » La parole expira sur ses lèvres, car Sarah se dressait pour le regarder en face. « Ma victime, » poursuivit-il, « dussiez-vous me mépriser ? Et vous n'en avez pas le droit. Vous allez tout apprendre. Un mot suffira, car ce mot vous épouvantera. Grâce, grâce pour ce que je vais vous dire. Je ne veux pas le savoir, » fit Sarah en l'interrompant. « Oh mon Dieu, cette fortune, que l'on vous voit, rassurez-vous. Il m'appartient de la dépenser à mon gré, mademoiselle. Eh bien, qui êtes-vous, monsieur ? Pourquoi donc ai-je aimé un homme que l'on ne connaissait pas dans ma famille ? Je suis bien repentante. Mais vous êtes un honnête homme, n'est-ce pas ? Répondez-moi seulement, monsieur, et je sens que je serai soulagée d'un grand poids, que je serai heureuse. Oui, oui, je suis un honnête homme. Je vous remercie même d'avoir été plus loin dans vos soupçons injustes que je n'irai dans mes aveux. N'importe, vous allez me repousser de votre amour, car pour en finir par le mot fatal, je suis un joueur. » Elle tressaillit et quitta son bras. La nuit était noire. Le Corse continua brusquement. « Vous me haïssez, bien vite. Oui, je suis un joueur. Mais puisque vous avez voulu savoir le fait, il faut maintenant, je vous conjure, en subir l'explication. Je l'implore de votre équité, mademoiselle, et de votre pitié pour moi. Ne me plaindrez-vous pas ? Hélas, les femmes, créatures irréfléchies, s'imaginent sans doute qu'un homme n'a que les vices qu'il veut avoir. Et vous ignorez-vous, jeune fille élevée à l'ombre, que certaines passions sont aussi nécessaires à la vie de quelques êtres, heureusement exceptionnels, que l'air qu'ils respirent. Comment donc comprendriez-vous le jeu, cette passion suprême ? Ah, mademoiselle, je vous le jure, le jeu n'est pas d'ailleurs qu'un ignoble désir du gain, c'est une maladie de l'âme. Cette maladie, quelquefois, est originelle, on ne peut s'en guérir. Voulez-vous que nous sondions ici le fond de la vérité ? Eh bien, cette horrible maladie est la contagion qui règne à cette époque. Car être joueur, ce n'est pas seulement faire le métier honteux de végéter autour d'un tapis vert et de ramper entre des pièces d'or ou d'argent, comme un vil insecte parmi les belles fleurs de la prairie, sans goûter au baume divin et au miel intérieur qu'elle renferme. Être joueur, c'est avoir l'instinct de tenter le sort, c'est avoir l'habitude de croire au hasard, c'est être simplement athée. Voilà le dernier sens du mot. Hélas, tous les hommes d'aujourd'hui, à peu près, ne sont-ils pas des athées ? Malheur à la génération présente. Nous avons été enfantés au milieu des doutes et des paradoxes. Nous n'aimons rien d'un amour vrai, d'un amour profond. Nous croyons aux surfaces et aux accidents. La logique nous épouvante, le caprice nous attire. ce qui est monstrueux nous séduit, ce qui est nature nous répugne. Nous n'avons plus de foi en aucune tradition, et quand nous aimons l'avenir, c'est parce qu'il est inconnu. Je vous le jure, nous ne sommes que des joueurs, habitués au culte du hasard, que nous touchions à la pratique des faits ou aux théories des idées. Et les uns et les autres des héros de ce temps, ne les ai-je pas vus jouer à la liberté comme Fiesque, à la gloire comme le cardinal de Ray, à la vertu comme Diderot, quand il écrivait un sophisme éloquent? Hélas, me pardonnerez-vous de ne pas valoir mieux que tous ceux qui m'entourent? Voici mon histoire. Je suis né sous le soleil du Midi dans la Corse sauvage, et la mère était au bas de mon berceau. Mon père, dont le sang était tourmenté de fièvre brûlante, avait mis son enthousiasme et les chances de sa fortune au service du conquérant qui a joué le sort de l'Europe sur 1000 champs de bataille. Après 20 blessures et quelques récompenses stériles, mon père mourut en me laissant exposé à toutes les adversités de la misère. Je bénis sa mémoire, car je lui dois la vie, et je ne regretterai jamais d'être sorti du néant, puisque j'ai senti, puisque j'ai pensé. Cependant, quand je lutte chaque jour avec les désavantages d'une éducation trop inégale à ma position, quand je me montre avec les impatiences de mon organisation contre les nécessités singulières de cette société qui n'était pas faite pour moi d'abord, ah, je vois bien que deux éléments contraires se disputent mon existence. Je porte en moi la flamme et l'eau, la lumière et l'ombre, la volonté et l'impuissance, le ciel et l'enfer. Et voilà pourquoi il m'est entré tant de défiance contre le juste et contre le vrai. Si vous saviez, Sarah, ce que j'étais avant de souffrir. Il a été pour moi un âge d'inexpérience et d'illusion. Faut-il vous le dire? J'ai aimé. Aimer, c'est croire. J'ai cru à tout. Mon amour était une religion qui m'enseignait Dieu et me le prouvait sans cesse. Hélas, j'étais joué. Voilà encore le mot, l'horrible mot. Les femmes, voyez-vous, je ne dis pas cela pour vous, pauvre fille, les femmes du monde prennent un amour et le brisent comme un vin hochet quand la fantaisie expire. Cela m'est arrivé après 2 années de dévouement et d'abnégation. J'appelais les distractions ordinaires à mon secours, mais j'ai une chaleur de cœur trop dévorante pour que les choses puissent me plaire seulement. Il faut toujours que je les aime, et je ne le pouvais pas. La folie, cette mort de l'âme, me menaçait déjà. Je n'eus plus qu'un parti à prendre, qu'une épreuve à tenter, celle de la passion du jeu, pour me faire oublier un amour désespéré. J'ai joué, je vous l'avoue, d'abord avec ennui, mais peu à peu, j'ai connu l'ivresse de cette liqueur. C'est là que mon âme, avec tous ses besoins d'infini, a bondi sur d'élastiques émotions. Le jeu est un cheval indompté, indomptable, qui n'a pas de frein, et dont les narines fument, et qui court du haut en bas des montagnes et des plaines, et qui foule tout sous le sabot de ses pieds vainqueurs, et qui saute de bond en bond à travers les escarpements, et qui hennit de loin l'odeur du danger, qui déchaîne de belles colères en hérissant tous ses crins. Laissez passer son cavalier. Le jeu est une mère en fureur qui a des gouffres insatiables et qui sourit et qui caresse et qui gronde et qui broie tout. Le jeu est un incendie qui tourbillonne en fumée et en flammes, qui promène des torrents de lave sur des ruines arides. Vous n'arrêterez pas la mer ni l'incendie. Le jeu est encore amour fort et haine forte. Et voilà comment je suis joueur. Hélas, permettez-moi de reprendre un peu de calme et je vous entretiendrai tout à l'heure du hasard qui nous force ici tous les deux, vous à écouter, moi à vous apprendre ces mystères terribles du livre des passions. » Mademoiselle de Fermont restait anéantie, comme si elle eût été frappée de la foudre. Ses larmes s'étaient taries dans ses yeux, ses lèvres étaient sèches et glacées. Elle eut cependant la générosité de lui parler. « Vous m'avez jeté dans un trouble inexprimable, monsieur. Je ne vous ai pas toujours compris. Surtout, je ne vous ai pas deviné. Mais je me crois coupable de vous avoir arraché de pareilles confidences. À présent, j'ai un grand projet, et pourtant, si Dieu n'est pas avec moi, un projet d'enfant, peut-être. Hélas, il n'est plus temps de vous le taire. Non, il ne faut pas, ni pour vous, ni pour d'autres, que ce livre de vos passions, je veux dire de vos souffrances, se ferme à la page où vous l'avez laissé entr'ouvert. Comment m'inspirez-vous le désir de vous entendre encore? Vous le saurez bientôt, je l'espère. Mais au nom du ciel si pur et si bleu qui est sur nos têtes, ne permettez pas que le souvenir de vos paroles retentisse en moi comme un cri de malédiction et de blasphème. N'est-ce pas que vous n'êtes point méchant? Et moi, pauvre fille, candide et ignorée, que vous aurais-je fait pour mériter d'être malheureuse? Ah, je veux vous estimer, au contraire, monsieur, plus que personne au monde, et si je l'osais, je ne regarderais pas comme un crime, mais comme une vertu de vous aimer. que vous êtes pleine de bonté. Pourquoi, hélas, ne vous ai-je pas connue plus tôt? Je sens que je vous admire si profondément. » Silence, fit Sarah en l'interrompant. Nous sommes arrivés à la maison de ma mère, et l'on nous attend sur la porte. Mais je veux pourtant savoir aujourd'hui même le reste de vos secrets. Demain, il sera trop tard. Ne pouvez-vous me recevoir à la croisée du rez-de-chaussée qui donne sur le jardin ? Soupira le corse en pâlissant. Vous avez raison, reprit la jeune fille avec une inspiration d'innocence qui confondit cet homme. Je compte sur votre promesse, Sarah. Et ils se séparèrent après les froids saluts d'usage. Au bout de quelques minutes, Gregorio revint sur ses pas. Il se glissa dans l'ombre sous l'allée des tilleuls et s'introduisit dans les jardins intérieurs. Il reconnut la croisée chérie. Bientôt Sarah se montra et lui fit signe. Elle lui donnait la permission d'entrer dans la chambre. Elle était debout comme une statue de marbre. « Parlez-moi encore de vous, » dit-elle. « Je vous ai dépeint il y a quelques instants la passion du jeu, mademoiselle. Eh bien, je ne suis pas un vrai joueur. Et ce qu'on appelle le jeu m'ennuie à son tour comme toute autre chose. En effet, quand le jeu ne va pas jusqu'à l'extrême chance du suicide, par exemple, les péripéties dramatiques d'un gars médiocre et d'une perte indifférente dégénèrent peu à peu en une manie qui n'est guère possible que pour les gens sans cœur ou les vieillards. Je suis jeune, et mon cœur s'était exalté à de nobles ambitions. Un jour que j'avais réfléchi sur les devoirs de la vie, j'eus honte de moi-même. Je résolus donc d'en finir avec mon vice favori. Mais n'ayant pas de fortune et ne pouvant plus renoncer aux agréments accoutumés du luxe, je jouai une dernière fois, avec tout mon or dans une main, avec un pistolet dans l'autre. Sarah trembla de tous ses membres. Je crois que Dieu lui-même eut compassion de moi, et je sortis enfin du lieu où j'étais, comme un plongeur des mers qui reparaît sur l'abîme en tenant son trésor. Vil et précieux trésor. Je quittai subitement Paris, et je tombai par hasard en cette ville que vous habitez. Maintenant, je vous l'avouerai, cette paix de l'esprit à laquelle j'aspirais, je ne l'ai pas trouvée ici. Le calme de la province est une chape de plomb sur mes épaules. À mille reprises, j'étais sur le point de retourner vers le pôle de feu qui m'attire, et sans doute j'aurais cédé si je ne vous avais vu. Écoutez-moi sans horreur dans ce que je vais ajouter. Je ne veux plus avoir peur de vous. Votre franchise est un droit à mon affection. Oh, je vous vis si belle que je vous aimais d'entraînement. Mais j'ai tant désespéré du bonheur pour moi que je suis jaloux de celui des autres. Mon imagination perverse s'agita. Du fond de mon appartement retiré, je calculais, comme un joueur d'échecs, celle de mes actions qui faisait avancer ou reculer à mon gré la curiosité publique dont j'étais l'objet. Je m'intéressais à cet amusement. Quand je m'efforçais ensuite de vous plaire, je combinais déjà les chances de votre séduction. Ne m'en demandez pas davantage, et plaignez-moi plutôt que de me haïr, car j'ai fini par vous aimer passionnément, et je vous aurais dévoué ma vie s'il était digne de vous. » « Et dans ce moment, dit Sarah, refuseriez-vous de m'épouser? Je vous rendrais malheureuse. Cependant, si je consentais à vous dévouer moi-même une vie de pureté, d'innocence et d'amour... » « J'ai désespéré de tout amour sincère, » reprit-il. Elle s'avança vers lui, le conduisit vers la fenêtre et lui montrant le ciel. « Levons ensemble nos yeux vers cette blanche étoile qui nous éclaire de ce regard magique. Je vous assure que c'est l'étoile de l'espérance. Le voyez-vous qui brille au-dessus de vous? Elle est comme une perle que je pourrais mettre à mon front. Eh bien, il me semble que Dieu me la donne, cette étoile, pour qu'elle soit le plus beau bijou de ma corbeille d'épousée. Voulez-vous qu'elle vous appartienne ainsi que mon amour? » Gregorio Banchi se précipita aux genoux de cette jeune fille qui se retourna vers la cheminée, prit le cordon d'une sonnette et se mit à ébranler toute la maison du bruit qu'elle fit. Le corse était dans la stupeur. On accourut. Madame de Fermont poussa un cri en voyant un homme encore aux genoux de sa fille. Sarah courut l'embrasser et lui dit « Je vous présente mon mari, ma mère. » Et relevant Gregorio, « Vous ne pouvez plus repousser mon dévouement. Ne doutez plus et soyez heureux. » Ainsi s'achève Gregorio Banchi par Charles Lassalie.